Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le jansénisme aux racines du Tartuffe, diantre le jansénisme, voilà qui nous plonge en plein XVIIe siècle, en oubliant au passage la portée de cette doctrine théologique. Le pape François lui-même en plein XXIe siècle l'évoque lors de ses prises de parole, le jansénisme, une histoire où l'on croise Blaise Pascal et Louis XIV, Saint Augustin et Bossuet, l'université de Louvain et l'abbaye de Port-Royal, et bien sûr Molière et son Tartuffe, cachez cet imposteur que je ne saurais voir. Oh mon Dieu! Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment ? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte. Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Et ben voilà qui est bien envoyé. C'est une adaptation, une mise en scène de Molière en 1973. Fallait bien Tartuffe pour commencer une émission sur le jansénisme. Et puis, vous êtes là, Monique Cotteret, bonjour. Bonjour. Est-il possible de définir facilement le jansénisme ? Oh, facilement, il vaut mieux y renoncer, mais enfin, je vais quand même essayer de vous dire quelque chose. J'irai tout droit au but, c'est un augustinisme. C'est un augustinisme, donc c'est la volonté de retourner à l'enseignement plein et entier de saint Augustin. Le seul problème étant que l'enseignement de saint Augustin se révèle peut-être déjà un peu difficile pour des catholiques du XVIIe siècle, et surtout des ce qu'on appelle l'humanisme dévot du XVIIe siècle. Et donc, eh bien, face à cet augustinisme, il y a un autre isme que vous n'avez pas cité, le molinisme. Qu'est-ce donc ? Voilà, eh bien c'est la doctrine jésuite, d'un jésuite qui s'appelle Molina, et c'est l'exact inverse de l'augustinisme. C'est-à-dire que j'en arrive à la question de la grâce, si je n'ai pas déjà épuisé tout le monde. Pour les jansénistes, la grâce est efficace, c'est-à-dire qu'elle vient, elle est arbitraire, elle vient de Dieu, qui sauve qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et les pauvres hommes sont incapables de contribuer à leur salut, parce qu'ils ont été marqués par la faute, par le péché. Alors que, pour les jésuites et notamment pour Molina, cette grâce peut se révéler suffisante et les hommes peuvent participer à leur salut par leurs bonnes œuvres. Oh bah c'est plein d'espoir d'un côté, c'est un peu plus dur de l'autre quand même. Alors, effectivement, et le paradoxe qui moi m'a toujours interpellée, c'est que en réalité, les jésuites qui sont les plus novateurs sur le plan théologique. L'histoire du cas de conscience, c'est très intéressant. La casuistique, c'est essayer de voir comment la théologie peut s'adapter à des cas quotidiens, concrets. Eh bien, sur le plan politique, ils sont les plus conservateurs. Alors que les jansénistes, qui sont pour le retour à l'Église primitive, au sérieux, à la rigueur, sur le plan politique, justement parce qu'ils veulent garder une certaine liberté de conscience, eh bien, ils vont se retrouver du côté des révolutionnaires. Ça, c'est intéressant, hein, ce paradoxe, ce croisement, complet, ce va-et-vient. Complet, complet. Ça, c'est vraiment un croisement fondamental. Plus on va vers le passé, plus on est révolutionnaire. Et dans cette histoire-là, vous avez évoqué saint Augustin, l'augustinisme. Alors ça nous rapporte au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais ça veut dire quoi, l'augustinisme ? C'est quelles idées de saint Augustin qui sont mises en avant ? Eh bien, c'est cette idée de la grâce arbitraire, efficace, de la prédestination. C'est pas par hasard que les protestants aussi sont augustiniens. Et évidemment, Augustin n'a pas eu le bonheur de connaître les jésuites, mais il avait Pélage. Et le pélagianisme, c'est un peu le jésuitisme de la fin de l'Empire romain. Moi, j'aime beaucoup toutes ces réflexions parce que ça nous semble tellement lointain. Et pourtant, c'était au cœur de ces hommes, de ces femmes, du XVIIe siècle en l'occurrence, puisque nous nous intéressons à ce moment Molière. Bonjour, Anne-Régent Susini. Bonjour. Si nous nous amusons à faire un panorama du monde religieux au XVIIe siècle, on se pose là et on se dit, dites donc, mais alors, il y a donc des jansénistes, il y a quoi encore ? Alors, je dirais qu'il y a plus largement justement ces augustiniens dont on vient de parler, une sensibilité augustinienne qui s'affirme tout au long de cette période. Il y a aussi ce qu'on appelle les dévots. Alors, c'est une notion qui est un petit peu complexe, d'autant plus qu'elle se charge progressivement au cours de la période d'une nuance péjorative. Les dévots, ce sont des, je dirais, des catholiques militants qui entendent travailler à la mise en place d'une christianisation plus stricte du royaume, aussi bien d'ailleurs dans la vie publique que dans ce qu'on appellerait nous la vie privée. Et certains de ces dévots se réunissent à un certain moment dans une société, je dirais, semi-clandestine qui s'appelle la Compagnie du Saint-Sacrement et qui est une sorte de lobby, pourrait-on dire, qui agit donc de façon plus ou moins discrète pour justement cette christianisation plus stricte des pratiques. Voilà, c'est une compagnie qui va être assez mal vue à partir donc de, elle est interdite de réunion officielle à partir de 1660 puisque c'est une sorte de contre-pouvoir potentiellement problématique pour l'absolutisme dont vous avez parlé hier, qui se met en place. Sans doute à la fois dans ce mouvement-là et puis parce que s'affirme des valeurs de galanterie qui ne sont plus vraiment compatibles avec ce type de christianisation stricte, ce terme de dévot va donc devenir progressivement péjoratif. Et dans ce panorama, il faut ajouter les protestants aussi, parce qu'on sent bien qu'il y a un moteur à toutes ces réflexions qui vient d'ailleurs du siècle précédent, du XVIe siècle, c'est le protestantisme. Absolument. Absolument. Les jésuites dont Monique Autré vient de parler, je dirais que l'élaboration en particulier de leur pensée de la grâce, justement, qui est donc une pensée, comme Monique Autré l'a dit, de la liberté humaine, hein, ne peut se comprendre que par rapport à cette montée du protestantisme, comme une sorte, je dirais, de proposition alternative. Oui, c'est ça, proposition alternative au protestantisme. Monique Autré, vous direz que c'est un peu ça, en fait, toutes ces réflexions. Oui, ça naît autour du Concile de Trente et la volonté de faire une église totalement différente du modèle protestant. Mais alors, pour les dévots, je vais encore dire que c'est compliqué. Tant mieux. Donc allons-y. Au départ, les jansénistes appartiennent au clan dévots. Ils sont même persécutés par Richelieu parce qu'ils sont parmi les dévots. Et les dévots, au moment de la guerre de 30 ans, ce sont ceux qui critiquent la politique de Richelieu, parce que Richelieu fait une alliance avec les protestants. Et donc, c'est des catholiques qui mettent Rome, en quelque sorte, au-dessus de la monarchie française, ce qu'évidemment Richelieu n'apprécie pas du tout. Et le premier disciple de Jansénius, entre guillemets, eh bien, c'est Saint-Cyran, et Saint-Cyran est arrêté par Richelieu. Oui, parce que ici nous avons des pouvoirs hein, en bras de fer sans cesse. On l'entend parce qu'il y a la France, il y a évidemment Rome. Et puis, c'est une histoire européenne. C'est une histoire européenne. Et d'ailleurs, je disais toujours à mes étudiants que le jansénisme était une histoire belge, puisque Jansénius est de l'école de Louvain et il est évêque d'Ypres. Monique Autré, vous êtes professeure émérite de l'Université Paris-Nanterre. L'histoire du jansénisme que vous avez écrit, publié chez Perrin, c'est une histoire qui nous conduit effectivement aux origines en Belgique. Qui est ce type-là, ce jansénius ? Alors ce jansénius, eh bien, c'est un docteur absolument parfait, tout à fait aimé à Louvain, sans le moindre problème. On ne s'interroge jamais sur les dogmes qu'il enseigne. Et c'est un dévot. Et donc, en 1635, il publie un pamphlet d'une violence contre la monarchie française qui s'appelle le Mars Gallicus. Et donc, la monarchie française est accusée de tous les maux puisqu'elle sacrifie l'ordre catholique européen en s'entendant avec les protestants. Alors que, donc, le trait chrétien vaut pas grand chose, mais le roi catholique d'Espagne, là, c'est un grand personnage. Évidemment, Richelieu n'aime pas. Il y a une logique. Une logique, oui. Il n'aime pas, et ce texte-là a des effets en France. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de critiquer la monarchie française pour une alliance, parce que c'est très conjoncturel, c'est lié à un moment politique, l'alliance. Ce oui. personnage, Jansénius, apporte des idées, alors là, avec une portée voilà. beaucoup plus forte. Et donc, étant sorti de ce pamphlet politique, qui est quand même d'un très bon niveau théologique aussi, hein. C'est pas un petit pamphlet quotidien, eh bien, il écrit la somme qui le passionne, à savoir une somme sur saint Augustin, qui s'appelle donc l'Augustinus. Et il meurt, le malheureux, de la peste en 1638. Les jésuites vont dire que c'est bien fait, que c'est un signe de Dieu. Mais enfin bon, le malheureux est simplement mort de la peste. Et alors, c'est intéressant parce que du coup, il n'est pas condamné. Parce que lorsque l'Église condamne, elle donne toujours le temps de se repentir, voilà. Et lui, eh bien évidemment, ça n'a pas été possible. Oui, parce que son œuvre est publiée de manière posthume. Voilà. En 1640, voilà. Donc en plus, il peut même pas modifier, répondre aux accusations. Rien. Il n'y a pas eu d'accusation portée à ce moment-là. Et donc, voilà, il continue sa vie paisible, mais il a semé un certain trouble dans l'Europe catholique. C'est en 1641, deux ans après sa mort, que paraît ce texte. À ce moment-là, Anne-Régence Fusigny, c'est quoi un peu la conception de la religion pour le pouvoir en France? C'est une religion qui est proche de ces dévots que l'on évoquait. Là, les jansénistes sont pas vraiment encore présents. C'est quoi l'idée? Non, je pense que progressivement, on s'achemine quand même vers ce qui deviendra ensuite le pouvoir Louis XIVien. Alors évidemment, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, est dévote. Disons, c'est une catholique convaincue. Elle va d'ailleurs continuer, même au moment de l'accession de son fils à un pouvoir personnel, à représenter une tendance, c'est ce qu'on appelle parfois la vieille cour, hein, une tendance plus religieuse de la politique. Comment on peut expliquer ça? La question est difficile. Hein. Comment expliquer qu'au XVIIe siècle, une partie de la population, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV par exemple, décide d'être dévote? C'est une réaction à un mouvement dans la société, cette idée que, bah non, faut être comme ça parce que ça ne va plus. Je pense que c'est une catholique sincère et que la question de savoir comment on articule au fond les valeurs du catholicisme et les choix à faire lorsqu'on est à la tête d'un royaume est une question complexe qui dans laquelle on doit arbitrer, dans laquelle on doit trouver l'équilibrage qui semble le plus juste entre ces différentes exigences. Oui, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'exigences dans cette France du XVIIe siècle. Et j'ajouterais que la guerre de 30 ans se termine dans l'Empire, mais qu'elle se poursuit entre la France et l'Espagne. Et c'est vrai qu'Anne d'Autriche, la pauvre, est dans cette terrible situation des reines qui théoriquement doivent tout oublier de leur famille d'origine pour servir leur époux et maître et leur nouveau royaume, mais c'est parfois difficile. C'est même très difficile. Et puis, il faut rappeler, hein, Anne d'Autriche, d'accord, mais enfin, c'est cet empire qui relie l'Autriche et l'Espagne. Oui. Une histoire, on l'entend bien, hein, où il y a des controverses théologiques, bien sûr, où le pouvoir est mis en cause dans ces histoires-là. Une réflexion théologique qui imbibe toute la société. Comme c'est beau. Comme c'est grand. Allons, allons. Les voix du 17e, celles de Phèdre, d'Andromaque, d'Hermione, d'Athalie, celles d'Oreste, de Titus, d'Alceste, de Tartuffe. Ces timbres disparus et ce nombre perdu, cette paix ensevelie et ces orages éteints, ce marbre et cette chair, ces flammes et ces ténèbres, cette vivacité au fond de cette lenteur. Paraissez, raisonnez, ô voix de Sévigné, trotteuse, furteuse, exploreuse de greniers, de province et de cœur. Allons, apparaissez, Bourdaloue de Notre-Dame, Arnaud de Port-Royal, la Bruyère de la Ville et la Fontaine des Champs. Allons, allons, venez, dressez-vous. C'est en 1945, oui, une archive de 1945, avec Pierre Brasseur qui évoque ce XVIIe siècle, tous ces grands auteurs, parmi lesquels il cite Arnaud de Port-Royal. Alors là, il y a deux éléments. Il y a déjà Arnaud, c'est qui ce bonhomme ? Eh oui, et Port-Royal, dont on n'a pas encore parlé. Voilà. Voilà, donc il y a les deux. Oui, donc... oui, oui. Alors, la polémique née de l'Augustinus va se développer... Les autorités condamnent. Il y a trois bulles qui se suivent. Je vous épargne les noms et les dates, mais si vous y tenez vraiment, je pourrais les donner. C'est des textes issus du pape, hein, que voilà, le pape donc, écrit pour condamner, là en l'occurrence. Trois bulles qui condamnent l'Augustinus. Avec cette réserve, donc la troisième, la plus importante, ad sacram, cette bulle condamne des propositions. On a résumé, voilà, les adversaires de l'Augustinus ont résumé cette somme énorme en 5 propositions dont ils disent qu'elles sont dans Jansénus et qu'elles sont donc hérétiques et tout, et j'allais dire, et tout le reste. Voilà. Or, le débat va être mené par Arnaud, avocat, juriste de formation, qui va tout simplement dire, évidemment, ces propositions sont condamnables, mais elles ne sont pas dans Jansénus. Aïe. Bah oui, alors, c'est compliqué, là. Ça devient très compliqué. Puis surtout qu'il n'est pas là, lui, pour se défendre, comme on l'a dit, il est mort de la peste. Voilà. Alors, Arnaud, on le comprend. Voilà. Et Port-Royal ? Ah bien, la famille Arnaud est très importante dans ce monastère. Alors, pour tout compliquer, il y a le monastère Port-Royal de Paris et Port-Royal des Champs. C'est le même monastère avec deux lieux, et les religieuses vont d'un endroit à un autre selon les circonstances. Port-Royal de Paris, c'est au sud de Paris, et Port-Royal voilà. des Champs, c'est au sud. Alors là, c'est la Vallée de Chevreuse, vraiment au sud de Paris. Oui. Et les religieuses donc font des va-et-vient, oui, c'est un, selon une abbaye de femmes. Selon les circonstances, au moment de la fronde, elles reviennent à Paris, et puis elles retournent aux Champs. Et donc la famille Arnaud est très importante dans ce monastère. Et c'est une Angélique Arnaud, une mère Angélique Arnaud, qui a réformé le monastère dans un sens de plus de rigueur et plus de respect de la règle. Et la conjonction des deux, c'est qu'on va demander à tous les catholiques, enfin à tous les clercs, de signer un formulaire qui déclare condamner Jansénus. En disant que les 5 propositions sont bien de Jansénus et elles sont condamnables. Et on va demander, y compris aux religieuses, de signer. Et alors Arnaud a lancé l'explication « le droit et le fait », hein, c'est-à-dire que, bah oui, si c'était bien de Jansénus, ce serait condamnable, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment, et donc on peut soit observer un silence respectueux, soit signer le formulaire, mais avec des réserves. Et elles font quoi, ces sœurs de Port-Royal ? Alors, elles sont les plus... Tout le monde finit par plus ou moins signer avec le temps, l'usure, etc. Sauf les religieuses. Eh oui. Sauf les religieuses qui vont résister jusqu'à la paix de l'Église. Donc, je crois que les dernières, c'est 1669. Ah oui, c'est très tard. Hein. C'est très, ah oui. Très tard. Et alors, on les prive de sacrements. Toutes les résistantes sont enfermées au champ. Et elles sont quand même bien persécutées. Enfin, je ne veux pas dramatiser, mais c'est quand même pas drôle. Anne-Régence Fusigny, ces controverses, on écoute là ce que nous dit Monique Cotteret. Ça se passe alors au niveau sans doute des clercs, de l'Église, dans une abbaye. Est-ce que ça a une incidence ? Est-ce que ça ressort dans la société ? Est-ce que ce sont des discussions qui intéressent ? Alors, ce sont des discussions qui auraient pu rester des discussions entre experts, entre spécialistes, mais l'un des moments essentiels de cet affrontement, ce sont les provinciales de Pascal. Pascal, à la suite d'une expérience mystique, en particulier s'est rapproché de Port-Royal, où est sa sœur par ailleurs, et on va en appeler à lui au moment où Arnaud est en très fâcheuse posture, où visiblement il a déjà été condamné et la condamnation est sur le point de s'aggraver. Les écrits plus théoriques, je dirais, et plus experts d'Arnaud, visiblement, ne suffisent pas. Alors, on en appelle à ce jeune Pascal, qui est jusque-là plutôt connu pour ses travaux scientifiques, qu'il a menés fort jeune, comme chacun le sait, et qui est donc disposé à défendre Port-Royal et qui va, avec un certain nombre de membres du groupe, élaborer ces provinciales, qui sont des lettres, en partie fictives, adressées donc à un provincial, de la part d'un homme du monde, d'un homme, je dirais, de bonne foi, qui cherche à s'informer sur les tenants et les aboutissants de cet affrontement. Et ce sont des lettres qui sont écrites en français, qui sont écrites dans un style qui est très nouveau, par ailleurs, dans la langue française, beaucoup plus naturel, beaucoup plus enlevé, et qui vont présenter donc ces querelles, ces controverses qui sont d'un très haut niveau de technicité, hein, en réalité, sous un jour plaisant, sous un jour même comique. Et qui vont avoir un succès considérable. Et à partir de ce moment-là, on a là une transformation au fond de l'arène dans laquelle se déroule cet affrontement, puisque par les provinciales, Port-Royal en appelle contre les docteurs au public. Donc on a là une littérarisation de la controverse théologique qui est sans précédent et qui appartient aussi à ce titre à ce qu'on pourrait appeler une histoire de l'opinion publique. Oui, l'arène dans laquelle se passent ces discussions, c'est pas Anne d'Autriche, hein, c'est vraiment l'arène du combat. Oui, pardon, l'arène en un seul mot, effectivement. Blaise Pascal, on l'associe pas du tout à l'humour. Et pourtant, dans les provinciales... Il en a beaucoup. Mais oui, il y en a énormément. Absolument. Absolument. Et ça va être justement... Alors, ça va être une arme décisive. Ça va être une arme aussi dangereuse, délicate. Parce que très vite, aussi bien à l'intérieur de Port-Royal qu'à l'extérieur, certaines voix vont s'élever pour, au fond, critiquer ce recours à l'humour en matière théologique, en faire reproche à Pascal, qui d'ailleurs est amené à se justifier à l'intérieur même des provinciales, à peu près au milieu de cette série de lettres. Pascal opère une sorte de revirement qui... vers une polémique plus directe, où les lettres ne sont plus fictives, mais s'adressent véritablement aux adversaires qui ont publié contre Arnaud, où Pascal réfléchit sur la légitimité d'utiliser le rire en matière religieuse. C'était quand même un problème qui est encore d'actualité. C'est un problème qui va également surgir au moment du Tartuffe, dont on a entendu tout à l'heure un extrait. Donc c'est un problème important. Et je dirais que non seulement Pascal manie l'ironie et les diverses formes de rire avec un grand talent, mais en outre, c'est un penseur du rire. Ah oui. C'est-à-dire que on sent bien cette portée, les différentes lectures possibles de ce texte, les provinciales, qui paraît à la fin des années 1650. Pascal, Blaise a une frangine, elle s'appelle Jacqueline et elle est à Port-Royal. Comme dans l'ignorance où nous sommes, tout ce qu'on peut désirer de nous pour la signature qu'on nous propose est un témoignage de la sincérité de notre foi et de notre parfaite soumission à l'Église, au pape qui en est le chef, et à Monsieur l'archevêque de Paris, qui est notre supérieur. Quoique nous ne croyons pas qu'on ait droit de demander en cette matière raison de leur foi à des personnes qui n'ont jamais donné aucun sujet d'en douter, néanmoins, pour éviter le scandale et les soupçons que notre refus pourrait faire naître, nous témoignons par cet acte que, n'estimant rien de si précieux que le trésor de la foi pure et sans mélange que nous voudrions conserver aux dépens de notre vie, nous voulons vivre et mourir humbles filles de l'Église catholique, croyant tout ce qu'elle croit et étant prêtes à mourir pour la confession de la moindre de ses vérités. Donc c'est Jacqueline Pascal, enfin la sœur de Blaise Pascal, qui écrit à sœur Angélique. Dites donc, Monique Cotteret, en gros, elle demande, laissez-nous croire, parce que nous sommes complètement dans le dogme, nous ne sommes pas hérétiques. Alors, elles ont une argumentation tout à fait sobre, et elles disent, nous sommes des pauvres filles, nous ne pouvons pas trancher sur ces questions, donc laissez-nous tranquilles, quoi, ne nous demandez pas ce que nous ne pouvons pas faire. Bon, en fait, elles ont une très bonne formation, la plupart d'entre elles, et elles sont tout à fait solidaires de la démarche d'Arnaud et de Pascal. Mais ça va être terrible parce que progressivement beaucoup signent, parce qu'il y a aussi une pression sur les familles. Le pouvoir fait entendre à telle ou telle famille que, désolé, il n'y aura pas la pension, la promotion, parce que là, il y a une nièce, une cousine, une fille qui est vraiment pas trop révoltée. Et donc, après, il y a aussi des conflits entre elles. Et ça donne une situation... Tout à fait dramatique. Comment ça se passe à Port-Royal, dans cette abbaye? C'est une vie austère? Ah oui, c'est une vie tout à fait austère. La seule chose qu'Angélique Arnaud n'arrive pas à imposer, c'est la communauté du linge. Là, ça ne marche pas. Mais pour le reste, tout est austère, tout est garanti. Oui. Pauvreté? Oui, bien sûr. Oui. Mais bon, en même temps, c'est la règle. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui est différent, non, en fait? Ça les distingue pas des autres. Sauf que certains couvents ne respectaient plus les règles. Mais au XVIIe siècle, ils sont repris en main, généralement. Et puis dans ces grands mouvements, bien sûr, on ne peut pas parler du jansénisme en laissant cet objet à l'écart et sans le mettre dans ce contexte de foisonnement, de réflexion théologique. Il y a les jésuites. Est-ce qu'on peut résumer tout ça? Et vous allez me dire non, j'espère, à une opposition entre les jésuites et les jansénistes, tout simplement. Alors, moi, si vous permettez, d'abord, il faut quand même dire, le mot janséniste, c'est une insulte. Et les jansénistes ne sont pas jansénistes. Ils ne s'appellent pas comme ça. Ils ne s'appellent se pas comme pas, ça. En tout ils cas, se comme une idiosyncrasie. Voilà. Et donc, à la limite, si quelqu'un dit qu'il est janséniste, c'est qu'il ne l'est pas. En gros. Et donc, eux, ils se vivent comme les amis de la vérité, les défenseurs de Saint-Augustin. Donc, c'est plus large, c'est beaucoup plus large. Et de l'autre côté, il y a les jésuites, et puis il y a ce courant qu'on appelle l'humanisme dévot. Et c'est le moment aussi, c'est la période du culte des saints. Enfin, c'est une très grande richesse de ce catholicisme français à ce moment-là. C'est une vraie ferveur. La religion est partout. On peut le dire aussi dans cette lecture du monde. C'est une grande période de miracles, notamment. On observe tout ça. C'est la période où les sorcières posent vraiment problème. Anne-Régent Susini, le jansénisme, c'est aussi un regard porté sur la société, sur ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr. Oui, tout à fait. Et à une période où, en effet, de façon particulièrement intense, on s'efforce de penser la manière dont, on rejoint une question que posée précédemment, dont on peut articuler, au fond, les exigences d'une vie chrétienne et puis les exigences ou les nécessités, en tout cas, de la vie dans le monde. Donc, on vient d'évoquer l'humanisme dévot, dans la lignée de François de Sales, notamment, qui est un courant extrêmement puissant qui va renouveler en profondeur toute une partie de la pensée religieuse, dans la mesure où il s'agit de penser la façon dont dans le monde, en restant dans le monde et non pas seulement en faisant retraite à Port-Royal ou ailleurs, dans le monde, comment on peut travailler à son salut, hein, chacun suivant sa position sociale, chacun suivant sa condition. Et il me semble que ça, c'est aussi un ferment très important de renouvellement de la pensée religieuse en un siècle qu'on appelle parfois le siècle des saints au sens de mystique, hein, en un siècle où effectivement la mystique est se développe de toutes sortes de manières, où les communautés religieuses également, hein, sont plus actives et plus nombreuses que jamais. Oui. Et puis dans cette histoire, il y a quand même le destin de ce que nous sommes après la mort, le salut. C'est un siècle où la vie est fragile. Enfin, on le sait bien, on a évoqué les épidémies de peste. On sait que la maladie peut frapper, il y a des guerres. Monique Cotteret, c'est quand même très important, ces polémiques-là, pour les individus, de savoir si ils vont pouvoir être sauvés ou pas. C'est quand même des moments très différents. Savoir si on doit toute sa vie bien faire avec la certitude d'être sauvé ou peut-être pas, si Dieu ne nous a pas choisis. Alors d'ailleurs, ça c'est un peu la différence entre la prédestination protestante et la prédestination janséniste. Pour les protestants, si vous avez la foi, en fait vous êtes sauvés. Voilà. Ils ont cette certitude de l'appel et du salut. Bon, ce qui ne fait pas une religion facile pour autant. Mais il y a quand même au départ cette certitude d'un appel et d'un salut. Alors que je définirais la prédestination janséniste comme une incertitude, un doute constant sur le salut et donc une vision tout à fait tragique du monde. Bah oui, non mais clairement, ça fait peur, Anne-Régence Usini. Ça pose problème, le jansénisme, cette vision que vient d'évoquer Monique Cotteret, parce que ça ne correspond pas à d'autres visions qui se développent au même moment. Alors, effectivement, le moment de la mort que vous citiez tout à l'heure, qui est le moment où vont se cristalliser en fait ces questions au niveau de l'individu, c'est un moment là aussi qu'on pense de façon intense. Ce moment est-il révélateur? Ce moment au contraire est-il à penser dans la continuité de toute une vie? Est-ce que se convertir juste avant de mourir, est-ce que se tourner vers Dieu juste avant de mourir suffit pour effacer une vie visible, apparemment éloignée de toute considération religieuse? Donc toutes ces questions-là, effectivement, je pense, se posent non seulement au plan général et doctrinal, mais elle se pose très concrètement pour chaque individu, d'où d'ailleurs la multiplication de toutes sortes d'écrits ou de discours qui vont essayer d'apprendre à chacun à bien vivre, mais aussi et peut-être surtout à bien mourir. Eh oui, parce que c'est ça, hein, c'est bien vivre et bien mourir. Les deux vont de pair. Ça veut dire que dans cette religiosité du XVIIe siècle, la mort est toujours présente. Et puis, il y a, c'est ce contraste évident, entre la pensée, la réflexion, et puis l'application dans la vie de tous les jours. Les jansénistes, j'ai envie de dire, ça se voit. Alors, j'utilise janséniste, je sais que c'est, maintenant, vous nous l'avez dit. Oui, mais on est obligé, mais c'est un peu une insulte. Non, mais ça se voit. On peut les reconnaître physiquement par leur tenue. Par leur posture, par leur discours aussi. Difficile à dire, parce que l'humanisme dévot est aussi rigoriste, hein, c'est ça. Et les jésuites aussi peuvent être rigoristes de temps en temps. Je pense pas qu'il y a vraiment une possibilité de repérer le janséniste. Oui. Par ailleurs, si on pose cette même question sur un plan, je dirais, sociologique quasiment, il me semble que se développe aussi, alors pas seulement chez les gens de Port-Royal, mais enfin autour de Port-Royal, mais aussi dans d'autres cas, y compris jésuites, mais en particulier autour de Port-Royal, un modèle, je dirais, d'implication qui mêle au fond le clair et le laïc, donc des sortes de statuts un petit peu intermédiaires. Qui pose aussi cette question un peu du repérage ou de l'identification que vous posiez et qu'on va retrouver notamment dans le Tartuffe qu'on a entendu tout à l'heure. Ce caractère finalement indécidable d'un personnage qui est à moitié un clerc ou un ecclésiastique et à moitié un laïc qui est un peu non repérable. Alors ça fait partie de ce manque de visibilité qu'on évoquait. Voilà, ce manque de visibilité des jansénistes, et on le dit bien, c'est un phénomène qui est religieux, qui n'est pas seulement religieux, bien sûr, parce qu'on va les retrouver partout. On a cité Blaise Pascal, c'est pas en soi tel qu'on l'imagine un religieux, et pourtant il est imbibé de religion. Oui, partout, même chez des musiciens. Il ne se consola pas de la mort de son épouse. Il l'aimait. C'est à cette occasion qu'il composa le tombeau des regrets. « enseignait la viole qui connaissait alors un engouement à Londres et à Paris. C'était un maître réputé. Il était janséniste. Il avait deux filles. Toinette, Madeleine, Monsieur de Bure vous attend! Monsieur de Bure appartenait à la société qui fréquentait Port-Royal de Paris. Il apprit aux enfants les lettres, les chiffres, l'histoire sainte, les rudiments du latin. Monsieur de Sainte-Colombe avait lui-même inculqué à ses filles les notes et les clés. Tous les matins du monde, le film d'Alain Corneau en 1991, d'après le roman de Pascal Quignard. Dites-nous, Monique Cotteret, mais ces jansénistes, bon, alors ils croient ça, ils font de la musique et c'est joli. En quoi ils posent problème au pouvoir? En quoi ils posent problème dans la société? Alors, une fois la guerre de 30 ans terminée, quand on arrive au règne de Louis XIV, si on va un petit peu vite, Louis XIV ne les aime pas. Louis XIV ne les aime pas parce que d'abord on lui a raconté qu'ils avaient été frondeurs, ce qui est tout de même un peu injuste, mais enfin il le croit, avec quelques raisons de le croire aussi, c'est un problème compliqué. Donc il ne les aime pas et il veut les mettre au pas. Tout simplement. Et évidemment, si on prend par exemple Pascal, il a dit un truc très simple, il faut aux grandeurs d'établissement un respect d'établissement. Et Louis XIV, il ne peut pas se contenter d'un respect d'établissement. Il y a eu, depuis Henri IV, une sacralisation, une resacralisation de la monarchie. Et cette monarchie, elle ne peut pas supporter des fidèles dont elle pense qu'ils sont ou qu'ils risquent d'être infidèles. Ouais, parce que c'est vraiment ça, faut le rappeler, hein, les guerres de religion, c'est pas si loin en fait. C'est très proche. C'est très proche, on a ce souvenir de pays divisés et la volonté de Louis XIV, c'est ça, c'est de pacifier cet univers religieux dans son pays. Enfin, faut pas de dissidence. Uniformiser, ouais. Enfin, qu'il n'y ait pas trop. Et puis il y a chez ces jansénistes une petite tendance vers l'héroïsme chrétien, vers... C'est pas la morale de l'honnête homme, vous voyez. Ils sont suspects quand même. Quoi qu'ils fassent, ils sont suspects. Ils sont perçus comme un foyer de résistance. C'est ça. C'est résistance possible et de résistance effective au bout d'un moment. Oui, oui, avec un pouvoir qui devient absolu de plus en plus. Anne Régent-Susini, vous êtes professeure de littérature française à l'Université Sorbonne Nouvelle. Vous avez écrit sur Bossuet, hein, Bossuet et la rhétorique de l'autorité. Un homme comme Bossuet. Alors, Bossuet. L'évêque de Meaux, c'est une grande figure de ce règne Louis XIVien. C'est plus tard, hein, c'est dans les années 1780 qu'il devient évêque de Meaux. Un homme comme lui, quel regard porte-t-il sur ces jansénistes? Dans le cas de Bossuet, ce qui est assez frappant, alors c'est une question complexe, mais il ne les défend pas, je dirais, comme tel. Et néanmoins, sa pensée est fortement marqué par l'augustinisme, et donc en réalité n'est pas sans lien avec celle des jansénistes, en particulier d'ailleurs sur le théâtre. Et donc on a là voilà une position qui n'est pas facile à résumer, dans la mesure où il y a des affinités, je dirais, idéologiques assez claires. Pour autant, Bossuet est un homme pour qui l'autorité est effectivement... fondamentale, pour qui l'unité qu'elle suppose est également primordiale. Et pour ces raisons-là, bien sûr, il ne peut pas se ranger aux côtés de Port-Royal. Et alors, l'autorité, là, la question, il y a celle du roi, bien sûr, on imagine bien, mais il y a le pape aussi. Et puis, après, en France même, si on prend l'abbaye de Port-Royal, il y a d'autres autorités auxquelles se référer. Alors, qui? Donc, là, on doit se référer, alors, je sais pas, il y a des archevêques, il y a des pères abbés. Comment ça se passe pour Port-Royal? On arrive à les contraindre? On avait beaucoup de difficultés, mais on finit par y arriver. C'est l'archevêque de Paris, c'est la fameuse séance, je crois que c'est l'année de la représentation du Tartuffe, précisément en 1664, où l'archevêque vient à Port-Royal pour imposer la signature une nouvelle fois. Et il dit, alors je ne sais pas si c'est directement lui ou si c'est Monterland, mais elles sont pures comme des anges et obstiné comme Lucifer. C'est des anges et des démons en même temps. Hein. C'est tout à fait ça. Et alors, pour tout compliquer encore, nous avons vu des jansénistes dévots romains. Alors à l'époque, on aurait dit ultramontains. Enfin voilà. Et en fait, et c'est aussi une des raisons de la proximité avec Bossuet, ils opèrent un tournant vers le gallicanisme. Regardez voilà. Du côté français. De les libertés de l'église gallicane, c'est-à-dire de l'église de France. Or, Bossuet est un gallican. Absolument. Il s'agit, au fond, d'émanciper, dans une certaine mesure, l'église de France, de Rome, en fait, hein, du pape, de lui donner une marge de manœuvre, en fait, plus grande. Et là, de ce point de vue-là, il y a en effet une rencontre. Entre ces deux pensées, oui. Mais c'est bien, parce que c'est pas une histoire avec des bons et des méchants, des jésuites, voilà. Des jansénistes. Voilà. Dans le cas de Bossuet, c'est clair, il y a des réflexions, et puis le temps passe, hein, des postures. Il y a des évolutions, il y a des changements. Oui. Et vous avez évoqué Monique Cottret, 1664, Tartuffe. Alors c'est quoi Tartuffe là-dedans, Molière? Est-ce que Molière critique le jansénisme directement dans Tartuffe? Qu'est-ce qu'il critique? Alors, là, on arrive au niveau des interprétations, et moi, je ne suis qu'une modeste historienne. Pour moi, Tartuffe n'est pas un janséniste. Enfin, je veux dire, le personnage de Tartuffe, pour moi, c'est un jésuite. Parce que, qu'est-ce qu'on reprochait aux jésuites, outre le fait qu'ils dépendaient uniquement de Rome, donc ils étaient indépendants de toutes les autorités gallicanes. Et on leur reprochait d'être un ordre dans le monde. C'est-à-dire que c'était des réguliers séculiers. Et ça, on n'aimait pas beaucoup. Et précisément, comme ils étaient directeurs de conscience, eh bien, on disait dans la propagande anti-jésuite, alors, qui est nettement au-dessous de Pascal, hein, les plus brutales et moins intellectuelles, mais on disait qu'ils s'infiltraient dans les familles pour récupérer les héritages, pour séduire les filles. Alors, c'est exactement ce que fait Tartuffe. Et au XVIIIe siècle, quand on représente le Tartuffe, c'est un jésuite. On lui met le costume jésuite. Et au moment de la Restauration, donc là on va vers 1825, les représentations de Tartuffe sont des représentations anticlérical, d'une grande violence, et on refait même un nouveau Tartuffe, alors directement et franchement anti-jésuite. C'est intéressant de voir ça, parce que un Tartuffe jésuite, dans un moment où le jansénisme est très fort, quelle est votre lecture du Tartuffe, André-Jean Susini? Je crois effectivement que c'est, pour moi, le pouvoir subversif de Tartuffe tient à ce qu'il est, dans une certaine mesure, insituable. Et alors je suis assez d'accord hein, pour dire que à tout prendre, il est certainement plus jésuite que janséniste. On a néanmoins un texte qui est une lettre de Racine et qui explique qu'au moment même où le pouvoir est en train de déloger les religieuses non signeuses de Port-Royal de Paris, on s'apprête chez une grande dame proche de Port-Royal à recevoir Molière pour une lecture de son Tartuffe, une de ses lectures semi-privées, comme il y en a eu beaucoup. Et évidemment, à ce moment-là, des voix s'élèvent pour dire bon, c'est peut-être quand même pas le moment là de lire Tartuffe, alors que nos religieuses sont en train de se faire expulser. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ajoute Racine. On allait lire le Tartuffe et les jansénistes, au fond, y reconnaissaient, étaient sûrs que c'était les jésuites qui y étaient joués, alors que les jésuites pensaient qu'il s'agissait des jansénistes. Alors, je suis pas sûre que le texte de Racine soit neutre, à vrai dire, et je pense qu'il y a plus d'éléments qui iraient dans le sens d'une lecture jésuite de Tartuffe. Néanmoins, ce qui s'observe, c'est que dans le discours de Tartuffe se mêlent des éléments de langage qu'on pourrait rattacher à l'une ou l'autre tendance et qui vont former une sorte, je dirais, de monstre discursif. Enfin, c'est une. Je pense que cette hybridation-là de son discours souligne justement le caractère artificiel et le caractère artificieux de ce personnage, hein, qui, d'une certaine manière, va puiser dans tel ou tel discours religieux ce qui peut l'aider à faire avancer ses propres intérêts et à réaliser ses propres désirs. C'est le génie de Molière, hein, en fait, de jouer sur tout cette ambivalence. Et ça témoigne aussi du fait que Molière avait une bonne connaissance des discours religieux de son temps. Hein. Mais on parle du Tartuffe, on pourrait parler même des Tartuffes, parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a cette première version de 1664. Alors celle-là, elle a posé problème. Oui, à mon avis, parce qu'elle est vraiment, ça c'est la coïncidence avec l'action de l'archevêque de Paris à Port-Royal. Donc ça faisait quand même beaucoup l'archevêque qui persécute les religieuses et en même temps à Versailles les plaisirs de l'île enchantée, la Vallière qui apparaît, ça plaît pas beaucoup à l'Autriche. Et en plus, on joue Tartuffe ou l'hypocrite. Oui. Donc ça faisait quand même... Je pense que c'est plus une question de coïncidence qu'autre chose. Mauvais timing. Voilà, mauvais timing. 3 ans plus tard, 1667, une nouvelle version. Oh, cette fois, Tartuffe est emprisonné. Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie. Et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. Oui. C'est trop demeuré sans doute à l'accomplir. Votre bouche, à propos, m'invite à le remplir. Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Quoi ? Moi, monsieur ? Oui, vous. Pourquoi donc la prison ? Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs. Que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. D'un fin discernement, sa grande âme pourvue sur les choses toujours jette une droite vue. Chez elle, jamais rien ne surprend trop d'accès et sa ferme raison ne tombe en nul excès. Tartuffe, mise en scène au Théâtre National de Strasbourg en 2008. Dans ce Tartuffe-là, il est un peu faillot, Molière. Yuri Ferrer, en diable. C'est ça, là, il s'adresse au roi. C'est formidable de l'entendre. Hein. C'est comme si le roi avait tout pigé tout de suite que c'était un imposteur. Voilà, oui. Alors moi, je vais essayer de défendre le dénouement de Tartuffe remanié, donc. Il me semble que, bien sûr, hein, on peut l'interpréter comme naturellement une manière, au fond, de mettre le roi de son côté dans une situation qui est encore assez délicate. Néanmoins, il se dit peut-être, au travers de ce dénouement, quelque chose d'important. Finalement, donc Tartuffe, devenu l'imposteur, qui prend pouvoir hein, au sein d'une famille, puisque c'est ça l'histoire de Tartuffe, hein, un homme qui, sous couvert de religiosité, sous couvert de dévotion, prend le pouvoir sur un père de famille, et donc à travers lui sur toute la famille, essaye de s'approprier l'épouse, essaye de s'approprier les biens, etc. Dénoue tous les liens, fait rompre le père avec le fils, installe un désordre généralisé à son profit. Et le premier moyen de lutter contre cet imposteur, c'est... je dirais c'est le théâtre déjà, c'est-à-dire que c'est cette espèce de théâtre dans le théâtre que mettent en place justement les membres de la famille, en particulier Elmire. Hein, il y a cette fameuse scène où Elmire demande à son mari de se cacher sous la table pendant qu'elle acceptera de recevoir en privé Tartuffe, qu'elle prêtera une oreille, je dirais, favorable aux déclarations de Tartuffe et que donc Tartuffe se démasquera devant elle et donc devant son époux dissimulé. C'est efficace jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'effectivement, Orgon, je dirais, finit, de façon très laborieuse, mais finit par se rendre à l'évidence donc de la fausseté de Tartuffe, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas à neutraliser le pouvoir de nuisance de Tartuffe, qui a pris différentes mesures pour s'assurer, au fond, de gagner quand même. Et contre une tromperie qui est parvenue à ce degré d'efficacité, il n'y a que la puissance royale qui puisse rétablir l'ordre, en fait. On peut, je dirais, à l'échelle de la famille, rétablir les choses en interne, pourrait-on dire, mais le désordre dont Tartuffe porte la menace est plus grand que cela. Et contre ce désordre-là, il se peut qu'il ne faille pas moins que la puissance publique et donc la puissance royale. Oui, qui est la puissance du pardon. Parce que ce dont s'est emparé Tartuffe, ce sont des documents qui mettent en cause un ami d'Orgon qui a été plus ou moins frondeur. Enfin, et donc, la fin, ben, le roi voit le bon, voit le gentil, et le roi pardonne au gentil qui a été trompé, égaré, voilà. Donc c'est aussi une scène de pardon. Tout à fait. Le pouvoir est suffisamment fort, suffisamment absolu pour dépasser la fronde. Ça, je crois que c'est une leçon aussi de cette version du Tartuffe. Oui, absolument. Y a-t-il un pardon alors pour les jansénistes ? Comment ça prend fin, cette histoire-là ? Ou, Monique Cotteret, vous pouvez me répondre, mais ça ne prend pas fin. Ça continue de façon très virulente au XVIIIe siècle. Ça traverse la Révolution. C'est encore assez virulent sous la Restauration. Il y a même un retour du jansénisme qui rejoint les Républicains sous la Restauration. Bon, je dirais qu'après, ça devient plus un souvenir littéraire, une référence individuelle. Ce n'est plus un mouvement politique ou religieux très important. D'ailleurs, que reste-t-il de Port-Royal ? Allions-nous perdre Port-Royal ? Allions-nous voir disparaître sous les enchères d'un fabricant de lotissement le château des Granges, voisin de l'historique abbaye rasée par ordre de Louis XIV ? Le danger des ventes publiques menaçait l'asile où les plus hauts esprits d'un grand siècle s'étaient donné rendez-vous autour du livre de Jansénius, qui révolutionna la vie intellectuelle de son temps. Allait-on laisser disparaître la chambre qu'habitèrent tour à tour Pascal et Racine ? La chambre où naquirent Esther et Attali, reflet d'une Phèdre convertie. En 1946, les vestiges de Port-Royal déchantent dans les actualités françaises. Monique Cotteret, d'ailleurs, qu'est-ce qui reste ? Alors, on l'a bien dit, hein, il y a ces deux Port-Royal. Il y a Port-Royal dans Paris, au sud, et puis Port-Royal, vraiment, dans la vallée de Chevreuse. Oui, donc il reste les granges de Port-Royal, là où les messieurs, les solitaires, se réunissaient. Et puis, il reste un esprit. Enfin, un souvenir qui me paraît important. C'est quoi cet esprit de Port-Royal ? Je dirais d'abord une capacité, alors c'est très paradoxal, mais c'est une capacité à faire du neuf avec l'ancien. Hein, c'est ce que j'ai appelé quelque part l'Église primitive ou l'avenir, enfin le passé révolutionnaire. Donc en retournant à des valeurs anciennes, on découvre les valeurs nouvelles. Et dans la période de la Révolution, le clergé constitutionnel est massivement marqué par la tradition janséniste. Alors évidemment, il y a eu les Lumières au milieu, donc ils ont un petit peu évolué quand même. Mais c'est important. Aujourd'hui, quand vous entendez le pape François évoquer le jansénisme, c'est étonnant de se dire que maintenant, ça nous paraît loin, et puis vous le dites vous-même, c'est vrai que déjà au XVIIIe siècle, c'est plus la même chose que ce jansénisme du XVIIe siècle. Ça vous évoque quoi ? Alors, c'est d'autant plus amusant que le pape François est en partie jésuite. Donc, voilà, quand on a parlé de la canonisation de Pascal, moi, j'ai trouvé ça très bien. Enfin, bon, ça ne me regarde pas, mais après tout, pourquoi pas, oui. Dites-nous, Anne-Régence Susini, là, la portée du jansénisme, c'est quelque chose qui dépasse, en fait, ce moment Port-Royal. Ça qui est très fort aussi, et on a évoqué Bossuet, hein, sur qui vous avez écrit, qui vraiment est une figure majeure du règne, mais j'ai envie de dire, c'est le côté jésuite qui a gagné dans cette histoire-là. C'est qui a gagné, en fait ? Il n'y a pas de vainqueur. Il me semble qu'au plan théologique, disons, au plan doctrinal, il me semble que ce sont quand même les jésuites qui ont gagné. Notre conception de la conception qui a prévalu de la liberté humaine et de la part que l'homme peut prendre à son propre salut va quand même plutôt de leur côté. Mais plus largement, au plan culturel, je dirais, là, il y a de fortes rémanences hein, de Port-Royal, à la fois de ce rêve, de ce rêve un peu alternatif, de ce rêve de retraite, de cet esprit de résistance aussi qu'on évoquait tout à l'heure. Au plan littéraire, il lègue aussi, si je puis dire, une traduction de la Bible qui aura une importance déterminante, en fait, pour un certain nombre d'écrivains, bien après cette période. La Bible qu'on appelle la Bible de Sacy, hein, la Bible traduite à Port-Royal, qui est la grande traduction française de la Bible, dans une certaine mesure, on peut dire que toute proportion gardée, mais c'est un peu l'équivalent en français de ce que serait la Bible de Luther en allemand ou de ce que serait la King James en anglais. Et voilà, des écrivains comme Hugo, comme Rimbaud, etc., se réfèrent encore à cette traduction-là. Ce n'est pas rien tout de même. Hein. Ah non, c'est pas rien, vous l'avez dit. Donc, relire la Bible, peut-être pas dans un premier temps, mais relire les Provinciales de Pascal, ça c'est super. Le Tartuffe, évidemment. Et moi, j'ajouterais le Misanthrope. Et le Misanthrope aussi. Bah, parce que s'il y a un janséniste, c'est Alceste, si on veut vraiment. Ah, on est d'accord, on est d'accord. S'il y a un janséniste, c'est Alceste, oui. Qui veut quitter le monde, qui est extra-rigoriste. Bon, alors, on lit le Misanthrope aussi. On lit le Misanthrope aussi. Et puis, on lit, alors, votre Bossuet, Anne-Régent Susini, et puis on lit votre histoire du jansénisme, Monique Cotteret, et puis le Choiseul en passant. Comme ça, ça fait plaisir. Merci vivement à toutes les deux. C'était très très clair. Et avec le jansénisme, c'était pas gagné. Mais maintenant, la clarté continue avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment le voile islamique a été politisé en Iran? En septembre 2022, la mort d'une jeune iranienne arrêtée par la police des mœurs a déclenché un vaste mouvement de révolte contre le pouvoir religieux. Révolte symbolisée par le rejet du voile noir porté par les musulmanes chiites, qu'on appelle le tchador. Mais l'histoire de ce morceau de tissu nous apprend que le sens attribué au symbole politique peut varier au cours du temps. Après son coup d'État de 1921, Reza Khan s'est imposé comme le premier shah d'Iran. Sa volonté de moderniser le pays à marche forcée l'a conduit à multiplier les mesures répressives à l'égard des religieux. Le décret incitant les Iraniens à abandonner leurs costumes traditionnels pour s'habiller à l'européenne suscita de vives protestations. Le 13 juillet 1935, la manifestation organisée devant la mosquée Goharshad fut réprimée dans le sang par l'armée. Aujourd'hui encore, cet événement, qui fit 150 victimes, est largement exploité par le pouvoir religieux, puisqu'il célèbre tous les 13 juillet la journée du hijab et de la pudeur. À la suite de cette manifestation, Reza Shah installa un régime militaire pour imposer la loi interdisant le tchador. Les opposants furent pourchassés et les grandes écoles religieuses furent détruites. Ce qui attisa les rancœurs des mollahs, qui ne comprenaient pas pourquoi ce shah, pieux et croyant, mais non pratiquant, avait succombé aux sirènes de l'occidentalisation à outrance. L'opposition religieuse à un régime accusé de faire le jeu des Européens, qui détenaient une grande partie des ressources économiques du pays, commença alors à se développer. Cette première étape dans la politisation du voile islamique eut de fortes répercussions sur le plan social. L'occidentalisation de l'Iran fut globalement soutenue par les élites et la classe moyenne, mais rejetée par une bonne partie des classes populaires. Dans le monde rural, les femmes, attachées à leurs croyances ancestrales, s'isolèrent de plus en plus en restant cloîtrées chez elles pour éviter la répression. À partir des années 1960, l'impopularité croissante de la dynastie des Pahlavis combiné au rejet de l'impérialisme américain, permit aux religieux de redresser la tête. Ils diffusèrent ainsi l'idée que l'obligation du costume à l'occidental illustrait la dépravation des mœurs et qu'elle était la preuve du complot mené par les États-Unis afin d'exploiter le reste du monde. Imposer le voile aux femmes musulmanes fut alors présenté comme la meilleure façon de lutter contre ces exploiteurs et contre le dérèglement de la société iranienne. La révolution qui éclata en 1979 permit à l'ayatollah Khomeini d'imposer le tchador dans les lieux publics avec le soutien d'une grande partie de la population, y compris dans le monde intellectuel. À partir de ce moment-là, le fait de ne pas porter le voile fut perçu comme un signe d'hostilité à l'égard de la révolution et de soumission à l'impérialisme occidental. La police des mœurs, chargée de pourchasser les mauvaises tenues, fut mise en place à partir de 1983. Un nombre croissant d'Iraniens, et surtout d'Iraniennes, découvrirent alors que l'oppression exercée par ce pouvoir religieux était encore plus féroce que celle des dictateurs